Daniel Théo, c'est aussi un auteur. On disait à l'instant qu'il avait à son article trois livres, dont le dernier ouvrage que j'ai entre les mains là. Le titre, pardon, hein, c'est le titre « Bonjour l'amour, à bas les emmerdes ». Un mot sur, sur ce juste livre, avant, Daniel. Parce que tu me regardes en disant le livre. Moi, jusque... Non, ce que je tiens à dire, Daniel, rappelle-nous juste le premier, c'était quoi le titre du premier? Pardon. Le premier, en fait, c'était une pièce de théâtre. Oui. Quel enfer. C'est une pièce de théâtre qui a été jouée à Paris par une association. Ça a très bien marché. D'accord. Voilà. Le deuxième surtout, voilà, tu vas comprendre pourquoi le deuxième. Le deuxième, c'est musique galère, musique passion. Voilà. Et donc le troisième, Émilie. Ou l'inverse, ce sera mieux, musique passion, musique galère, ou les déboires d'un artiste. Les déboires d'un artiste. Voilà, là, je parle de tout ce que nous vivons, nous artistes, dans les coulisses. La galère musicale. Parce que sur scène, le public voit les belles choses. Oui. Et tout ce qui se passe derrière, je vais le dévoiler dans ce. C'est un récit, et celui-là, c'est un roman. Le dernier, c'est un roman. D'accord. Et donc le roman. Le roman, Bonjour l'amour, à bas les emmerdes, le pitch de ce livre? Le résumé. Alors, le résumé, c'est... Pas français, c'est un créole. Faut que ça monte. Je t'écoutais en même temps. Alors, le résumé est très simple. Hein. C'est une histoire, c'est un couple qui s'aime. Et il s'avère que le monsieur... Il retrouve un ami qu'il avait perdu de vue une Max. bonne quinzaine... Ah ben tiens. Bonne quinzaine d'années. Et il s'avère que cet ami a mal tourné entre-temps. Mais lui, bien sûr, il ne le savait pas. Hein. Et pour l'aider, lui, il se met dans le pétrin. Mmh. D'où il y a une petite histoire policière qui se termine très bien. Mais enfin, pour bien comprendre l'histoire, il faut arriver à la dernière page du livre quand même. Hein. Alors bonjour l'amour, ah ben les emmerdes, pourquoi l'amour sauve de tout? Oui. L'amour sauve de tout, c'est vrai, même si on dit que quelquefois les histoires d'amour se terminent mal. Mais à travers ce côté négatif, on peut ressortir du bon. Hein, et voilà. Et tu en es la preuve. Mais sans l'amour sur Terre, qu'est-ce que serait le monde? Bah oui. Et l'amour en général, finalement, ce qu'on ressent dans votre musique également. Finalement. Voilà, mais tout à fait. Si bien j'avais pensé à demander à Sébastien s'il veut bien tout à l'heure de passer ou ses soleils ou ses lumières. Oh, mais il n'y a pas de souci, Daniel. Pour te faire plaisir. Voilà, où je parle d'amour dans le plus grand sens du terme. Dans le plus grand sens du terme. Eh bien, on l'écoute tout de suite alors. Ah, volontiers. Le technicien est super rapide aujourd'hui, t'as vu? Hop là. Allez, 96.2 avec Daniel. On continue en musique jusqu'à 14h. Danse avec ton cœur. serre et tout nous font divaguer. Veux-tu avec moi coucher? Ah, c'est sûr, on va s'éclater. Yeah, ouf ce soleil, ouf ces lumières. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles.